Et voici comment nous, ce matin, dès le lundi, au taquet, on prépare la conférence de rédaction. Ça bosse. Toujours des sujets. Ce matin, c'était un sujet de fond. C'était presque, presque trop lourd, Alex Vizorek. Attention, ça dépend des matins. Accrochez-vous. Oh, salut les amis! Salut Alex! Est-ce qu'on est prêt pour l'émission? Ah, c'est quoi cet accent? Et ce chapeau? C'est Marseille à Canebière, Francis le Belge. Ouais, ouais. Bon, reçoit Robert Guédigan! Oh non, Alex, là c'est ridicule. Non, puis le jour où on va recevoir Robert Castel, tu vas faire l'accent pied noir. C'est quoi le fais pas bien. Donc c'est non, voilà, c'est non. Ok, très bien. Et le chapeau? Bah, c'est vrai que le chapeau, c'est pas spécialement marseillais. Non, parce que c'est en fait c'est un cadeau de Nicolas Demorand, c'est un Panama. Ah, un cadeau alors? Oui, mais il revenait du Panama, il m'a ramené un chapeau. Qu'est-ce qu'il a été faire au Panama? Du bateau, je crois, du bateau. Du bateau. Ça, oui, c'est... il m'a dit j'ai été faire du offshore au Panama. Ah, d'accord, voilà. Du bateau. Oui, d'accord. Bon, bah, ça va, comme ça, on a le premier sujet. Ah bon, oui. Bah, le offshore. Ouais. On va faire du bateau en sujet. Hein. Bah, ouais, vas-y, regarde la Une du Monde, là. Ah, bah, alors ça, c'est qu'il n'y a pas grand-chose, hein, s'ils mettent le bateau en Une du Monde. Vas-y, regarde. Panama, offshore, Platini. Ah, ouais. Ah, bah, voilà. Bah, quand même. Alors, oui, quand même, monsieur prend conscience des choses. Donc, maintenant, tu comprends qu'on le fasse en sujet, quand même. Tu m'étonnes. Platini, qui se reconvertit dans le bateau, c'est surprenant. Oui, comme toi, surprenant. T'es quand même vachement surprenant. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui survole l'actualité et le Panama. Et voici les trois informations qu'on va parachuter sur l'antenne jusqu'à 18h. Montages fiscaux, compte offshore, société écran. Les Panama Papers nous rappellent à quel point c'est compliqué, mais compliqué d'être riche. Non, l'argent, là. Bon, l'argent, c'est comme le sexe. Hein. On ne devrait pas en parler autant. Sinon, je dis, ça perd de sa valeur ou sinon, ça en prend trop. Non. Le premier bateau qui expulse d'Europe des réfugiés est parti aujourd'hui direction la Turquie. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites du droit à la différence, de la tolérance, de l'idéal de terre d'accueil de la France? Une nouvelle méthode de relaxation est arrivée en France, tout cassé pour passer ses nerfs. Aujourd'hui, on peut péter une vaisselle qui ne vous appartient pas pour 22 euros les 5 minutes. Eh ben, allez, vas-y. Allez, vas-y, mon joli. Vas-y, mon petit prince. Vas-y, mon Dieu, c'est ton droit. Et pour m'accompagner, j'ai à mes côtés celui qui ne détruit pas, mais qui construit. Je ne sais pas quoi, mais il construit considérablement en empilant 6 mois de magazine sur son bureau. Je ne le vois presque plus. C'est Alex Vizorek. Écoutez, c'est parce que j'ai peur que vous jugiez ma coiffure. Bonjour Charline Vanhoenacker. Et aujourd'hui, autour de la table, une belle équipe, 17h20. C'est notre boîte à musique à nous. D'ailleurs, parfois, quand elle nous passe des musiques, j'ai envie de la remettre dans sa boîte. Bonjour Mélanie Bauer. Aujourd'hui, ce ne sera pas le rap de Marseille, ce sera le spoken word de Toulouse. Voilà, je reste dans ma boîte. 17h30, c'est notre boîte à questions et c'est une boîte sans fond. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Moi je me suis intéressé aujourd'hui à la fin de la trêve hivernale qui a pour effet d'autoriser les expulsions de locataires et j'ai contacté Jean Perrin, le président du syndicat des propriétaires. Les gens qui se font expulser, il y a un moment, il faut qu'ils assument aussi leurs actes. Mais oui, assumer un peu de ne pas avoir de pognon, les pauvres. Et 17h40, elle, c'est pas une boîte, c'est plutôt un carton, avec dedans 6 bonnes bouteilles, histoire de ne pas s'assécher pendant la lecture de ses livres préférés. Bonjour Juliette Arnoux. Bonjour. Qu'est-ce qu'on a lu? On n'a pas lu, on a vu, et maintenant on sait où est l'Arménie. Très bien, et peut-être un lien avec l'invité. Et oui, le référent de la République qui préside cette émission aujourd'hui est né sous Vincent Auriol. Vous réalisez Marius et Jeannette, qui sort en 97, c'est l'année du Titanic de James Cameron. Vous proposez ensuite Le Promeneur du Champ de Mars en 2005, quand Sarkozy se balade lui en banlieue et sort le Karcher. Vous réalisez Voyage en Arménie en 2006, quand Jean-Luc Mélenchon part au Venezuela pour préparer la présidentielle de 2007. Et vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes... Je suis Robert Guédigan. Ah mais oui, c'est d'accord. Vous êtes sûr? Du coup, j'ai eu un doute. Écoutez, il a douté, on va le cuisiner. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Bonjour Robert Guédigan. Bonjour. On va vérifier si c'est bien vous tout de suite. Oui, on va me parce que normalement, en fait. Normalement, c'est vous qui avez réalisé Une histoire de fou. Oui. Le film qui sort demain en DVD. Avec Franck Dubosc, au casting. Oui. Je vérifie si c'est bien vous ou pas. Oui. Ah, il a dit oui, c'est pas lui. Mais non, avec Ariane Ascaride, évidemment, et Simon Apkarian, notamment. Alors, vous vous êtes emparé du génocide arménien à travers trois générations. Et une famille qui s'est installée à Marseille, le petit-fils va finir par commettre un attentat contre l'ambassadeur de Turquie. Et puis, partir s'engager dans la lutte armée depuis Beyrouth. La lutte armée pour faire connaître et faire résonner au monde le génocide arménien. Et l'intrigue, c'est la rencontre de ce jeune homme, de ce jeune terroriste trop sensible, et de ce jeune bourgeois parisien qui a été blessé dans l'attentat. Et il y a un personnage, Robert Guédiguian, qui vous a inspiré, parce que ce personnage de victime d'attentat, qui cherche à rencontrer son bourreau, il existe, c'est un oui. journaliste espagnol, oui, c'est oui, ça c'est un journaliste espagnol qui s'appelle José Gurriarán, qui a été blessé dans un attentat commis par Lazala en 1980, je crois, On peut rappeler peut-être Lazala Lazala, c'est l'armée secrète de libération de l'Arménie. Donc ce groupe qui avait été fondé en 75, je pense, dans ces années-là, qui a duré une dizaine d'années, entre 75 et 85, et qui avait posé effectivement une bombe devant un cinéma, enfin devant un cinéma, près d'un cinéma, devant un comptoir de la Turkish Airlines à Madrid, qui effectivement a fait exploser ce jeune journaliste espagnol, qui s'est retrouvé donc pendant toute sa rééducation à l'hôpital, puisqu'il a perdu ses jambes, en fait, il a réussi à garder l'usage de ses jambes, mais après moultes opérations, etc. Pendant ce temps-là, il a voulu savoir et connaître en fait les motivations des gens qui avaient posé cette bombe. Il s'est mis à lire, à travailler, à se renseigner, à rencontrer des gens, etc. pendant toute son hospitalisation. Et il est arrivé comme ça, il a découvert une géographie, une histoire et des meurtres de masse au début du siècle. Il n'avait jamais entendu parler de ça, des exterminations, un génocide. Comme le personnage dans le film joué par Grégoire Le Prince Ringuet, qui est ce jeune bourgeois parisien qui se dit « mais je ne sais même pas où c'est l'Arménie, voilà, il n'est pas capable ça. De le mettre sur une carte ». Il savait vaguement comment ça, arménien, tout le monde sait ce que c'est grosso modo. On connaît tous un arménien, mais on ne sait pas forcément ce que c'est, Aznavour par exemple. Non, il est suisse, Aznavour. Aznavour, Manoukian. Manoukian, quand même, Et voilà, donc c'est vrai qu'il m'a inspiré, il a voulu lui aussi, comme dans le film c'est plus compliqué parce qu'il y a la mère au milieu, il y a toute la famille, etc. Mais il y a la grand-mère qui le pousse un peu voilà, au crime. Voilà, il y a beaucoup de femmes poussées au crime dans ce film. Pas que. Oh, les plus poussées au crime sont des femmes. Mais je trouve ça bien, hein, d'un point de vue féministe, je trouve ça très bien. Mais je pense que les femmes ont un rôle majeur dans l'histoire, y compris effectivement dans ce sens-là. Je crois que les femmes sont souvent vindicatives et agressives et défendent leur rejeton et avec... plus de force parfois que les hommes. Les hommes non, mais c'est bien doivent toujours réfléchir avant d'agir. Oui, mais c'est bien que la violence soit aussi du côté des femmes. Bien sûr. Mm-hmm. Bien sûr. Alors, il y a des notes positives et très humanistes dans votre film, parce que d'abord, il y a le jeune terroriste d'origine arménienne qui a un cœur tendre, finalement, qui se pose beaucoup de questions et qui est très sensible, et cela va courir à sa perte. Et puis, il y a la victime, le jeune Parisien, qui cherche vraiment à comprendre jusqu'à aller s'installer dans la famille du jeune homme à Marseille. Oui, il n'y arrive pas. Ce qu'il faut mesurer, c'est que c'est pas par contre quelque chose de psychologique. Je crois qu'il est vraiment, il veut comprendre au sens politique, au sens philosophique, historique, etc. Donc il veut savoir. Il estime que, contrairement à ce que dit Valls, qu'il faut comprendre d'abord, avant de juger. Donc effectivement, il va dans la famille parce que la famille a fait une démarche, c'est-à-dire la mère est allée le voir. Et la mère, en allant le voir, pense que... Ariane Ascaride. Qui jouait par Ariane. Ouais. Elle pense, en fait, que si jamais son fils rencontrait effectivement sa victime, peut-être que les deux commenceraient un processus de dialogue, de réconciliation. Et peut-être ça les sauverait tous les deux. Et justement, le personnage qui vous a inspiré, le rôle que joue Grégoire Le Prince Ringuet, donc le jeune homme qui est victime, il a vraiment voulu comprendre jusqu'au point de trouver la cause juste. Oui, c'est maintenant, c'est encore aujourd'hui. J'ai fait la sortie Espagne du film avec lui, hein, je veux dire, c'est un type exceptionnel. Il est encore aujourd'hui, au moment du 24 avril, il va dans toutes les villes d'Espagne, et c'est lui qui est le principal défenseur de la cause arménienne en Espagne, c'est-à-dire de la reconnaissance par l'Espagne du génocide arménien, ce qui n'est toujours pas fait. Mais il se bat chaque année depuis, et d'ailleurs la réédition de son livre, en fait, a été préfacée par un des fondateurs de la Zala. Donc ils sont vraiment devenus... Ouais. Il continue à contester ces méthodes-là. Il a une conception... Il était très... En fait, quand il lui arrivait ça, il était très, lui, du côté de Gandhi, Martin Luther King, etc., tout ça. Donc c'est toute la discussion qu'il avait avec les Arméniens était un peu de ce type-là. Les Arméniens lui disaient, mais nous, ça fait 60 ans qu'on se bat pacifiquement, et ça n'a pas bougé d'un pouce, d'un millimètre, alors que les Turcs sont toujours... des fachos, il y a eu un coup d'État, ils torturent, ils emprisonnent chez eux, ils tuent des gens. Bon, donc on estime qu'on est légitime, effectivement, à faire parler de nous en tuant des représentants des intérêts turcs que ce soit des diplomates, etc., tout ça. À part qu'effectivement, comme dans toute l'Utarmie, il se passe des choses qu'on n'avait pas mesurées. Et qu'on peut voir donc, dans le film qui sort demain en DVD, qui s'appelle Une histoire de fou, avec Simon Abkarian et Ariane Ascari, de Grégoire Le Prince Ringuet aussi. Le film de Robert Guédiguian qui est avec nous jusqu'à 18h. Juliette Arnaud va revenir sur votre film tout à l'heure, vers 17h40. Mango Jerry sur France Inter. C'est Robert Guédiguian qui nous accompagne jusqu'à 18h. Son film Une histoire de fou est disponible en DVD dès demain et on vous le recommande chaudement. Et autour de la table, par ordre d'apparition, Mélanie Bauer, Guillaume Meurice et Juliette Arnaud qui en parlera justement du film. Et Robert Guédiguian, vous savez, c'est une émission de contenu. beaucoup de contenu, notamment dans l'information. Nous complétons les flashs qui sont parfois un peu incomplets. Hein, il y a des informations qui passent à travers le filtre. Je suis d'accord. Allez, allons-y. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. C'est bon. Jacques Cheminade a annoncé sa candidature à la présidentielle. Grande joie dans le clan d'Alain Juppé, qui ne sera donc pas le candidat le plus âgé de l'élection. C'est vrai. Le chanteur Renaud a dit du bien de François Fillon ce week-end. On vous rappelle que l'alcool est dangereux pour la santé. Et il y aura donc des brèves pour fêter ça. Et oui. Et c'est donc un nouveau grand moment dans l'histoire de la Ve République. Est-ce que vous serez à nouveau candidat à l'élection présidentielle en 2017? Oui, vous avez eu la gentillesse de m'inviter. Oh, j'annonce ce matin, oui, je serai candidat en 2017. Génial, c'est génial, malgré l'échec comme ça de revenir sans arrêt. Écoutez, Tsonga s'inscrit chaque année à Roland-Garros. C'est vrai. Je rappelle que Jacques Cheminade, lui, voulait conquérir Mars. Oui, et je pense que ça risque d'arriver avant la prochaine victoire française à Roland-Garros, en plus. Politique toujours, oui. Rachida Dati s'est énervée à propos du nombre de candidats à la primaire à droite. Je peux peut-être préparer ma fille, non ? Non mais on est ridicule vis-à-vis de notre électorat et nos militants, hein. Bah évidemment, ça fait beaucoup trop. Il y a plus de candidats à la primaire qu'il y avait de candidats à la paternité de Zora, tu penses ça ? Passons à gauche. Oui, Manuel Valls a déclaré au JDD que François Hollande était le meilleur candidat de la gauche pour 2017. Et d'ajouter, je ne pense pas que l'on gagne une présidentielle sur un bilan. Bah du coup, ça tombe assez bien. Venons-en à un petit quiz, je sais que vous aimez ça. Quelle politique chante cette chanson de Jennifer ? Demain, je me perds parfois. À chercher l'équilibre, va chercher où ? Ça, c'est un politique, ça. Oui. Non. Si. C'était, vous voulez dire. Il aimerait bien revenir. Je sais, monsieur, je sais. Oui. Thomas Thévenoud. C'est Thomas Thévenoud. Il est toujours député. Ben voilà, donc oui, c'était donc un politique. Et qui apparemment n'est pas phobique de la mauvaise musique. Marcher sur un film. Mais quand on est en campagne, on est obligé d'écouter de la soupe, hein, ou d'un vent. Ben dis donc, pas très sympa. Et on en vient à ces fameuses révélations du Monde et le scandale Panama Papers. Selon les révélations du Monde, donc les Balkany seraient impliqués dans le scandale. J'espère bien, c'est la Champions League de l'arnaque, c'est normal qu'ils y soient, les gars. Ah ouais, il y aurait aussi Jérôme Cahuzac. Non ! Alors, Thomas Thévenoud, il aurait bien aimé y être. Ouais, mais il y avait trop de papiers à rendre. Ah bah, et du coup, c'était pas bon. Michel Platini également cité, mais il affirme qu'il est clean. Il est clean, c'est le fisc suisse qui savait. Platini passe tellement de temps à clamer qu'il est propre qu'il va être engagé pour les pubs pour les produits lessives. C'est pas possible autrement. Le prince héritier d'Arabie Saoudite, décoré de la Légion d'honneur par Hollande, qui est également cité. Oui, bah, vous voyez que c'est un type bien, hein, Balkany. Et Platini l'avait aussi eu, la Légion d'honneur. Lionel Messi serait également impliqué. Oui, il aurait lui aussi caché de l'argent des sociétés. Voilà, Lionel Messi, c'est plus facile de lui prendre le ballon que son argent, hein, c'est dire. Selon nos informations, Jacques Cheminade aurait lui aussi planqué de l'argent dans une société offshore. Voilà, sur Saturne. Voilà. Donc, cinéma, Les Visiteurs 3, où le nom de l'acteur noir Pascal Zonzi n'apparaît pas sur l'affiche, alors que lui est présent physiquement sur cette affiche, il est présent. Ce qui crée la polémique. Voilà, ce film qui passe, ça se déroule il y a 200 ans, donc on est assez cohérent avec le racisme ambiant à l'époque, donc c'était juste. Je pense qu'il a, surtout il a vu le film, c'est lui qui a demandé qu'on mette pas son nom sur l'affiche. C'est l'autre possibilité, sport. Belgique, un cycliste égaré en course, retrouvé 4 heures après l'arrivée. Et alors, le coureur est de l'équipe Dimension Data, équipe sponsorisée par une société spécialisée dans... la géolocalisation. On va terminer par le chanteur Renaud qui a déclaré au Journal du Dimanche qu'il ne voterait plus jamais socialiste. Je le cite. Je vais peut-être voter pour un François Fillon que je pensais être un parfait honnête homme, un vrai républicain. Et il a déjà écrit la chanson de campagne. Je peux chanter faux parce que Renaud chante faux. Je suis tranquille. Respire. Je m'assois sur un banc 5 minutes. Avec toi, à compter tes soutiens tant qu'il y en a. Te parler de ton bon temps auprès de Nicolas Sarkozy, moi je l'aime bien quand je bois. Je préfère t'écouter, Nadine Morano. Fais-lui les coups de mocassin, pas pour de faux. Regardez tes grands cils qui te donnent l'air dur. François, montre-moi tes blessures. Je te raconterai comment moi j'étais avant, rebelle, 68 heures, indigné, militant. Mais maintenant, tout ça, c'est du vent. Je veux Fillon gagnant. Je veux Fillon gagnant. Si c'est pas beau, Robert Guédiguian, je fais la bande-son de votre prochain film si vous me le demandez gentiment. Ah, peut-être. Je fais une comédie. Rassurez-nous, vous êtes toujours de gauche. Oui. Ah, d'accord. Parce que alors, en bien ce moment, que... on est troublés. De gauche plutôt François Fillon ou Alain Juppé? C'est ça. Ou François Hollande. Alors, on va aborder avec vous le premier sujet. Robert Guédiguian, riche de tout pays, dirigeant de toute nation, ils sont unis par les liens du Panama, qui abritent jalousement leur bas de soie derrière des montages fiscaux, des sociétés écrans et des comptes offshore. Planquer son fric devient de plus en plus complexe, vous savez. Les riches avaient moins de soucis avant. Nous allons donc confier notre petit trésor aux seuls gens qui n'égarent jamais rien. Aux employés de cette administration que le monde entier nous envie. J'ai nommé les PTT. J'ai jamais pensé à ça. Eh ben voilà. En postant cette lettre avant 4 heures, elle passera le dimanche en sécurité. Et le môme l'aura lundi matin à la première distribution. Ça, c'est une fameuse idée, les PTT. Vous êtes sûr qu'on ne risque rien ? Rien. Sauf une grève surprise. Mais alors là, messieurs... Faire confiance aux honnêtes gens est le seul vrai risque des professions aventureuses. Le CAF se rebiffe. Voilà, c'est la une du Monde et c'est la une dans à peu près 100 journaux. Poutine, Assad, Bouteflika, Mohamed VI, le Premier ministre islandais, Pedro Almodovar, bien d'autres, Lionel Messi, Patrick Balkany, Jérôme Cahuzac. Voilà la une du Monde, Robert Guédiguian. J'imagine que l'homme de gauche qui est en vous, mais l'homme tout court même, a une réaction légèrement épidermique face à ça. Oui, c'est l'homme tout court. C'est pas parce qu'on ne trouve plus d'adjectifs, quoi. Je veux dire, on est atterré, sidéré, on ne comprend pas. C'est même assez presque irréaliste, irréel. En tout cas, c'est pas irréaliste, c'est irréel. C'est difficile à conceptualiser mais d'abord la masse d'informations, les chiffres. Et l'argent, en fait, un jeu là, c'est quand même c'est faramineuse, quoi. Je veux dire, on nous parle, je veux dire, le mot essentiel de la politique depuis 10 ans, c'est la dette publique. Je crois qu'effectivement, tout simplement, avec l'évasion fiscale, on pourrait effectivement l'éliminer, cette dette publique. Donc, si, à ce moment-là, il y aura moins de pression sur des pauvres retraités, enfin, des gens qui gagnent rien, sur le SMIG, sur la hausse du salaire des fonctionnaires. Alors, il y a une différence qui est faite dans le discours entre l'illégal et le moral. C'est-à-dire qu'il n'est pas illégal d'avoir un compte là-bas si on le déclare au fisc dans le pays où on paye ses impôts. Oui, mais on ne peut pas les impôts de la même manière quand même. Donc, il faudrait le rendre illégal, quoi. Voilà. Mais ça, c'est à l'État de le faire. C'est à l'État de le faire. Et si l'État ne le fait pas, on est obligé de penser qu'effectivement, il y a une sorte de connivence ou d'alliance entre l'État et les puissances de l'argent. Ce qu'on appelait, il y a très longtemps, on appelait ça l'oligarchie. Non, mais je pense que c'est bon parce que Hollande, il avait dit que son adversaire, c'est la finance. Donc, c'est ça. Oui, non, mais je pense que du coup, c'est bon. Mais ce sont des hommes d'État qui. Vous dites, faut que l'État fasse quelque chose. Ce sont des hommes d'État qui sont. Pas encore aux hommes d'État français. Et en majorité, c'est quand même des gens dont on supposait effectivement qu'ils faisaient ce genre de choses. C'est un tout petit peu plus surprenant pour le Premier ministre islandais. Oui. Mais. C'est un peu gênant. Fait, je crois qu'il parce, que, expliqué, parce que les dictateurs africains ont plus tendance. parce qu'on était déjà au courant. Non, mais Bouteflika, tout ça, on était au courant. Sur l'Islande, on pouvait fonder quelques espoirs à juste titre. Oui, surtout qu'ils avaient redressé le pays. Ils étaient sortis de la crise. Ils ont un sens de la démocratie bien plus avancé que le nôtre. Oui, c'est les gens du Nord qui sont bien plus démocratiques que nous. Les gens du Nord ne sont pas des voleurs, que les gens du Sud. Ils nous l'ont bien prouvé. Merci l'Islande. Bien sûr. Robert Guédiguian, encore un petit mot sur ce sujet, le fait que ce soit ce qu'on appelle un consortium de journaux et que des journaux du monde entier bonne nouvelle, se mettent en dire, ensemble. Voilà, tant mieux. Je veux dire, on a quand même, il existe quand même quelques contre-pouvoirs. Voilà, il reste des journalistes. Ça. Oui, il reste des journalistes, il reste que ça de démocratique. Hein, c'est-à-dire qu'on peut quand même, on a eu vent de ça, on le sait, on va le prouver, on va nous révéler des trucs tous les jours aujourd'hui. Le Monde va faire une espèce de feuilleton sur la semaine. Oui, on n'est pas abri des surprises. Donc voilà, on aura des surprises. Vous n'êtes pas dedans, Robert Guédiguian. Je ne crois pas. Est-ce que vous avez des noms à donner? Des paris sont ouverts. Non. Si vous avez gagnant, on vous envoie des paniers gardés. Mélanie Bauer, vous êtes susceptible d'être dedans? Non. Très bien. Alors vous avez droit à une chronique. Alors si on peut creuser une dette en offshore, moi je sais le faire. Ah d'accord. Les politiques sont des escrocs, le Proche-Orient est à feu et à sang, la jeunesse est désabusée, la gauche est en deuil. Nous sommes en 1996. Ah, François Mitterrand et Marguerite Duras viennent de mourir. Toulouse, elle, nous pond un des disques les plus vibrants de l'histoire de la musique française. Trois, le troisième album de Diabologum. Il y a tout dans ce disque. La rage de Noir Désir, les collages rap américains, les références au cinéma avec le monologue de Françoise Lebrun dans La maman et la putain de Jean Eustache. Et puis, une liberté de parole, une parole qui s'exprime en spoken word comme les prêcheurs noir américain. C'était donc il y a 20 ans, 365 jours ouvrables, qui regardaient les bras ballants le malaise de la génération grunge. Il n'y a rien à gagner ici. Il n'y a rien à gagner ici. À part tourner en rond dans l'atmosphère, frayer avec mon seul frère. Ça vous plaît, Guillaume Meurice? J'avoue, j'aime bien. On se sent un petit peu mais comme ça. Il aime bien Damien 16, donc. Ah non, le coming out. On se sent un petit peu comme ça quand on lit la presse en ce moment. On sent comme en 96. Le disque 3 de Diabologum est réédité l'année dernière car 20 ans plus tard a débarqué fauve. Et tout le monde s'est dit que Diabologum, c'était quand même la base de ce cri à la française. Les références sont les mêmes, mais on n'est plus à Toulouse, on est à Paris. Et même si on a sensiblement les mêmes angoisses, on a tout de même envie de sourire. On veut du collectif, se démarquer du business, on fuit la reconnaissance, on cherche l'indépendance financière. Fauve sont les enfants gâtés de Diabologum. Ils viennent de sortir un live sur leur label Fauve Corp qui raconte 3 ans de tournée. Sur le macadam trempé, résonne dans la nuit de décembre. Alors il nous faut rattraper le temps perdu, le temps passé loin l'un de l'autre. Je suis un peu fébrile, toi t'as cet air un peu songeur. Tu fais ce bruit avec tes lèvres que je connais par cœur. Les mots se font rares mais peu importe, les silences comptent aussi, on a toute la nuit. Alors que l'odeur d'amande sucrée, nos haleines alcoolisées, nous revient par la paix qu'on expire. Alors les langues se délient. C'est des hommes femmes. C'est des hommes femmes. Alors que deviennent les précurseurs? Comme dans les grands partis politiques, les points de vue divergent à un moment. Alors avec Diabologum, il y aura le côté programme de Arnaud Michniak, sans compromis, qui garde l'accent du Sud et la poésie désespérée. Ça ne sert à rien d'essayer de comprendre les autres. Et ça, c'est des types que s'ils en croisent un autre seul dans une rue, ils le tuent. Et ça, c'est quelqu'un qui voit un cercueil descendre dans un trou et qui se demande pourquoi cette image marque son histoire plus que tous les autres cercueils qu'il a vu descendre dans tous les autres trous. Ce qui se passe ici de décisif pour lui. Qu'elle s'ouvre, qu'elle se ferme, la porte fait un sacré boucan. Arrêtez, ne vous faites pas. C'est jouissif, c'est joyeux, c'est frais, c'est printanier. C'est vraiment printanier. De l'autre côté de cette scission. Il y a une reprise de Patrick Sébastien, cette chanson, je crois. De l'autre côté de cette scission, il y aura l'expérience de Michel Cloup, qui deviendra le Michel Cloup duo. Comme les enfants de Fauve, Michel Cloup vient de sortir un disque. Ici, et là-bas, Michel reste politique, conscient, il garde les guitares et la sincérité de Toulouse. On écoute, ça va vous plaire, cher invité, la classe ouvrière s'est enfuie. Ah. On est venu vous voir avec les enfants, on a amené des fleurs, ils les ont arrosées. Une fois n'est pas coutume, je n'ai pas pleuré, on s'est recueilli, on a aussi beaucoup parlé. Comment c'était pour moi à leur âge, comment c'était pour vous surtout. Travail, la famille, les amis, ce que vous m'avez appris, ce qui m'a construit. Vous ne pouvez pas voir ce qu'il se passe ici en ce moment. Votre absence vous en épargne et j'aime autant. La classe ouvrière s'est enfuie. La classe ouvrière s'est enfuie. La classe ouvrière s'est enfuie. La classe ouvrière s'est enfuie. Cet homme âgé qui travaille toujours à l'usine, il m'a dit, tu sais, il reste encore des ouvriers, mais il n'y a plus beaucoup de classe, tout en haut et en bas, plus aucun sentiment d'appartenance. Ils nous ont tous peu à peu laminés, il reste encore des ouvriers, mais plus grand chose de nos valeurs. On a toujours tenu la barre, on s'est toujours serré les coudes, ils nous ont tous abandonnés. Tu sais, cette faille n'est pas économique, elle est humaine. Cette faille n'est pas économique, elle est humaine. La classe ouvrière s'est enfuie. La classe ouvrière s'est enfuie. La classe ouvrière s'est enfuie. La classe ouvrière s'est enfuie. We'll be right back. La classe ouvrière s'est enfouie. Michel Clubduo, un ancien de Diabolo Gomme. Exactement, sur l'album qui vient de sortir Ici et là-bas. Ils sont en tournée en ce moment, avec cette semaine une date le 8 avril à Toulouse et le 9 à Montpellier. Mais c'est super. Alors, la classe ouvrière s'est enfuie. Voilà un rock engagé qu'on n'attendait plus. Robert Guédiguian. Non, c'est bien, c'est enfoui. C'est enfoui, on pourrait dire aussi. C'est se taire un peu. Va ressurgir un jour, vous allez voir. On espère. Oui, mais c'est un discours qu'on n'entend plus très souvent. Depuis que Renaud, votre fillon, heureusement qu'il y a Michel Clubduo pour chanter la classe ouvrière. Je fais des films sur l'Arménie. Oui. C'est la fois d'avant, c'était sur la classe ouvrière. Oui. Alors, la classe ouvrière, il en est... Transition. Oui, la classe ouvrière, je pense à vous, Guillaume Meurice, évidemment. Nous sommes avec Robert Guédiguian jusqu'à 18h. Il y a aussi Mélanie Bauer qu'on a entendue, Juliette Arnaud, dont vous entendez le rire, et Alex Vizorek. C'est ça qui fait la réédition. Je pensais que c'était une chaise qui couinait. Guillaume Meurice, on vous écoute. Eh bien oui, moi je vais vous parler de la fin de la trêve hivernale, donc la possibilité pour la police d'expulser des gens d'un logement en toute légalité. Alors, il y a des dérogations, hein, par exemple pour le palais de l'Élysée, l'avis d'expulsion du propriétaire est fixé au mois de mai 2017. Inversement aussi, on sait aussi qu'un certain Jawad de Saint-Denis, lui, il est plutôt accueillant toute l'année. On peut venir avec des kalachnikov, des ceintures d'explosifs, hein, le gars est souple. Mais sinon, pour les autres, ceux qui sont en difficulté et qui ne peuvent pas payer leur loyer, la prochaine fois que les flics tapent à votre porte, ça sera peut-être pas pour les calendriers, les mecs. Et ça semble pas choquer outre mesure Jean Perrin, que j'ai contacté ce matin. Jean, il est président de l'Union Nationale de la Propriété Immobilière. Et Jean, il en a marre des associations qui luttent pour le droit au logement. Il faut arrêter le cinéma. D'abord, il n'y a pas d'expulsion sans relogement. Ah bon ? Y a toujours, oui, à ma connaissance. Mais pourquoi ils sont mécontents d'être expulsés alors, ces gens-là, s'ils sont sûrs d'être logés après ? Les gens, ils payent pas, mais ils se plaisent assez bien dans le logement qu'ils ont. Oh, les petits futés de pauvres. Oh là là, les petits coquinous. Ils sont tranquilles à vivre à 8 dans leurs 12 mètres carrés et sans payer, peinard, la belle vie du pauvre. Oh non, mais c'est vrai, on le sait. Attends, on connaît les pauvres, ils sont comme ça, ils ont des habitudes et puis ils se sentent bien, quelque part, dans la pauvreté. Tiens, par exemple, les SDF, c'est quoi selon Jean ? Les SDF, c'est pas des gens qui ont été expulsés la veille. Hein. C'est souvent un choix de vie. C'est un choix de vie d'être SDF ? Bah écoutez, moi je regarde les maraudes hein, qui sont faites. Il y a des gens qui disent non, moi je veux pas, moi je veux rester là, moi je veux continuer à vivre comme ça. Enfin, moi je les vois à la télévision, hein. Moi c'est pas moi qui définis les situations. Ah non, c'est pas Jeannot qui définit les situations, c'est la télévision. Et c'est vrai que j'ai bien regardé BFM TV, bah, ils disent pas qu'il y a un problème de gens qui dorment dans le froid. Enfin, si, alors si je veux être tout à fait honnête, ils ont abordé le sujet des gens dans une chambre froide à l'hypercacher. Mais bon, bah, sinon, ils parlent jamais, par exemple, des bidonvilles, des enfants qui dorment dehors. D'ailleurs, est-ce que ça existe, Jean ? J'ai jamais vu. Alors peut-être que ça existe, mais moi je l'ai jamais vu. Pour les mais il y a des familles qui vivent dans la rue, non ? Bah je sais pas, peut-être. Moi je n'en ai pas vu. Je sais pas, parce qu'on me montre où ils sont. Ils doivent être bien cachés parce que je les vois pas. Ça dépend, vous allez dans quel quartier ? On nous les montre pas à la télé. Ah ben oui, j'avais oublié que si ça n'existe pas à la télé, ça n'existe pas dans la vie. Et inversement, hein, on sait très bien que Laurence Boccolini passe sa vie à agiter des liasses de billets devant des pauvres, hein, comme elle le fait dans Money Drop tous les jours. Mais oui, mon Jeannot. D'ailleurs, télé-réalité, c'est un pléonasme. Hein. C'est comme CRS mignon. Enfin, c'est pareil. Hein, voilà, c'est le même style de mots. Tiens, puisqu'on parle de pognon, Jean m'a confirmé qu'il existe évidemment des solutions pour les gens qui n'ont pas de revenus. Les gens qui n'ont pas de revenus, bah, il existe le RSA. Donc, il y a un système qui prend en charge. Mais avec le RSA, vous pensez qu'on peut trouver un logement ? Je ne vous dis pas qu'avec le RSA, je vous dis simplement que les gens qui sont dans la situation que vous décrivez, ils ont souvent entre 1500 et 2000 euros de revenus mensuels. Ah bon ? Le RSA plus l'allocation logement, bon, eh bien, les personnes qui ont tous ces revenus, après, elles font des choix dans leurs dépenses. Ah bah putain, la prochaine fois que je passe devant un SDF, c'est moi qui vais lui taper du pognon. Mais ce sucre, mais on a sur notre dos. Mais oh, c'est vache. Fou ça. Non, moi, je croyais que c'était un sac poubelle qu'il avait sur la tête, mais en fait, ça se trouve, c'est de la haute couture qu'il a, le SDF en bas de chez moi. Je me disais aussi que le carton sur lequel il dort, il est bizarre. Tu m'étonnes, il a été conçu par Jean Nouvel à tous les coups, le truc. Bon, et pendant ce temps-là, on emmerde 3-4 malheureux qui placent leurs économies au Panama. Moi, je vais vous dire, franchement, je trouve qu'il n'y a pas de justice. D'ailleurs, Jeannot, lui, il est très attaché à la justice, notamment en ce qui concerne les expulsions. Si la justice a décidé que la sanction par rapport au non-respect du contrat, c'était l'expulsion, je ne comprends pas pourquoi on ne l'appliquerait pas. Donc vous êtes pour l'application stricte du droit ? Je suis pour l'application du droit. Mais alors, est-ce que vous êtes pour la loi de réquisition ? Attendez, pour l'instant, il n'y a pas une loi de réquisition. il y a des réquisitions dans certains cas. C'est bien qu'il y a une loi ? Non, il y a une règle qui a été édictée. Ah, alors, il n'y a pas une loi, mais une règle édictée par le pouvoir législatif. Alors après, on peut appeler ça comme on veut, on peut l'appeler choucroute, par exemple. Donc, il y a une choucroute qui date de 1945 et qui a même été améliorée par une autre choucroute en 1998. C'est vrai qu'en 98, on fitait la victoire des milliardaires à Babel, donc on n'avait pas que ça à foutre de s'occuper des mal logés. Alors, autre chose qui a à voir avec la choucroute, c'est l'encadrement des loyers. Et à ce propos, il y a un économiste suédois qui s'appelle Assar Lindbeck, hein, très mesuré dans ses propos, qui a déclaré, je le cite, « Il y a deux façons de détruire une ville, le bombardement et le contrôle des loyers. » Voilà, donc Cécile Duflo était-elle une terroriste ? C'est possible. Que pense de cette phrase notre ami Jean ? Oui, c'est très juste, parce qu'on verra que le contrôle des loyers, sur une période de 15 à 20 ans, on verra que les effets sont particulièrement graves. Bon, alors la prochaine guerre, au lieu de bombarder des villes, on pourrait juste contrôler les loyers des villes. Simplement, c'est que ça met un peu de temps, le contrôle des loyers, voyez-vous. Mais sur une longue période, ça sera un effet assez cataclysmique. Eh ben voilà, si Daesh était vraiment malin, ils encadreraient les loyers à Damas et bim, destruction totale à moyen terme. Voyez, on apprend des choses, c'est intéressant. Et voilà, il faut savoir écouter les propriétaires en souffrance, ne pas faire comme ça du proprio-bashing, parce que comme dirait Jean... Il faudrait pas faire croire que les propriétaires n'ont pas de cœur. Mais les propriétaires, ils ont aussi un estomac. Et de temps en temps, faut qu'ils mangent. Mais bien sûr, évidemment, ils ont un estomac et surtout un cœur. Mais leur cœur, il est parfois caché parce qu'il y a juste au-dessus, dans leur veste, un portefeuille. Merci Guillaume Meurice. Robert Guédiguian, je vous sens en empathie avec ces propriétaires. Oui, je l'aime beaucoup. C'est un fou furieux. Comment peut-on dire des choses pareilles, en fait, je veux dire, avec une pleine conscience, comment ça, avec une espèce de naïveté, enfin, c'est incroyable. Gattaz hier disait d'ailleurs que les 5 millions de Tavares, c'était une prime au mérite amplement justifiée aussi. Comment on peut dire des choses comme ça, en fait? Je sais même pas ce que c'est ça veut dire. Télé, c'est 5 millions d'euros, je sais même pas ce que ça veut dire. C'est très étrange. Ça s'appelle le propriétaire décomplexé. Vous pouvez décomplexer derrière, vous pouvez tout dire, comme nous. Allez, on est avec Robert Guédiguian. Demain, sur le DVD de votre film Une histoire de fou, dont Juliette Arnoux va nous parler dans quelques minutes. Mais avant ça, on va évoquer un autre sujet. Ceux qui ont risqué leur vie pour un aller simple vers l'Europe, eh bien, l'Europe vient de leur offrir le retour, mais jusqu'en Turquie. Le premier bateau de réfugiés qui a quitté Lesbos, et puis il y en a un autre, puis Chios aussi, les îles grecques, est arrivé en Turquie tout à l'heure, dans le cadre de l'accord passé entre la Turquie et l'Europe. Tout cela pour décourager l'afflux de réfugiés. Ce matin, il y avait une journaliste parisienne qui a tenté d'embarquer à bord. Excusez-moi, cette zone est interdite aux passagers. Ah non, non, madame. Vous et moi, on a vu Titanic. On sait très bien ce qui arrive aux pauvres des étages inférieurs. Moi, j'ai absolument pas l'intention de me retrouver à flotter sur une porte d'armoire, et encore moins dans cette tenue. Mais vous pouvez vous rendre utile. Allez voir le capitaine et dites-lui qu'il peut venir me saluer. Camille Cotin, connasse, prend le bateau, évidemment. Alors, oui, tout ça pour rigoler un peu, parce que ça fait du bien quand on voit que l'accord d'Ankara donc, est en vigueur depuis ce matin. Angela Merkel avait choisi la date, le 4 avril. Voilà, le renvoi en Turquie de toute personne arrivée irrégulièrement en Grèce depuis le 20 mars. En contrepartie, de chaque Syrien renvoyé en Turquie, eh bien, un autre doit être réinstallé dans l'Union européenne. C'est ce qu'on appelle couper la poire en deux, ça, Robert Guédiguian, c'est ménager la chèvre et le chou. Oui. Non, c'est ce qu'on, c'est moi, je trouve que c'est la fin de l'Europe, en fait. C'est gravissime. On peut pas traiter les gens comme des unités, comme ça, des éléments, comme du bétail, quoi. Puis, je sais pas, d'ailleurs. Quels sont les réfugiés politiques, quels sont les réfugiés économiques, on peut garder les uns, pas les autres, enfin, parce que pour respecter le droit d'asile. On peut pas parler comme ça du droit d'asile. Il suffirait qu'effectivement l'Europe entière, que chaque village d'Europe prenne une famille et l'affaire serait pliée en deux. Parce qu'il n'y aura pas des milliards d'immigrés non plus. Voilà. Il y a un endroit où effectivement ça s'arrêtera, je veux dire, même si la guerre continue d'ailleurs. Donc c'est là aussi c'est invraisemblable. C'est que tout ça pour qu'il reste effectivement dans une hors de l'espace Schengen. Enfin, c'est très étrange parce que dans l'espace Schengen, donc dans l'Europe, effectivement, il y a des pays fascistes avec lesquels je me sens pas européen. Même quand on parle des valeurs de l'Europe, je sais pas de quoi on parle. Moi, les valeurs de l'Europe, c'est pas Orban, c'est pas effectivement l'ordre polonais, je me souviens plus sur nous. Voilà, c'est pas ça du tout. C'est pas ces pays-là. Le Slovaque encore moins. Enfin bon. C'est pas d'ailleurs non plus Cameroun. Voilà, donc je sais pas ce que c'est. En fait. Le sentiment pan-européen. Je sais de moins en moins ce que c'est l'Europe. Et là, vraiment, on parle de valeurs. On parle pas qu'au moment de la Grèce, d'économie, des 3%. On parle pas de règles comme ça. Et on puis, s'il y a des valeurs de l'Europe, c'est bien celle-là. C'est le droit d'asile. Enfin, c'est des choses comme ça. C'est des choses qui sont liées à 89, aux Lumières. Enfin, voilà, si on n'a même plus ça. Je ne vois pas très bien ce que veut dire l'Europe, je ne comprends pas. Il y aura un homme d'origine arménienne quand on lui dit qu'on renvoie les gens en Turquie. Et en plus, on fait confiance à la Turquie. La Turquie, qui est encore plus particulière. Et qui négocie, qui prend du pognon, qui est un pays qui redevient complètement facho, qui est en guerre civile. Enfin, ils arrêtent les journalistes, ils veulent les condamner à perpétuité, le patron de Koumuriyet, là, en ce moment. Bon, donc c'est quand même un pays avec lequel on n'a pas négocié des choses comme ça. Voilà. Et rappelons que selon les accords, là, donc la France a bien envoyé 200 CRS et policiers pour aider au retour, un bon retour, hein, c'est-à-dire un service après-vente, on va dire. Retour accompagné. Retour chargé à compagnie aujourd'hui, les sujets. Hein. Oui, c'est le monde change et nos nerfs avec, je peux vous dire. C'est pour ça qu'on avait prévu Anthony Cavana, il aurait pu poser un peu les sujets. Mais c'est Robert Guédiguian qui est avec nous et on en est ravis. Et Juliette Arnaud, vous aussi, vous avez vu le film de Robert Guédiguian, Une histoire de fou qui sort demain en DVD. Oui, et puis ça m'a fait réfléchir, je me suis posé cette question, à quoi ça sert le cinéma ? Alors, à savoir si Batman, le mec en slip noir sur un legging gris, est plus fort que Superman, un mec en slip rouge sur un legging bleu. Et si Sophie Marceau, quand elle dit dans L'étudiant de Claude Pinoteau en 1988, « Je la veux, la Greg », en se mordillant la lèvre et en rejetant ses cheveux en arrière, va vraiment la voir, la Greg. Oui, dans les deux cas, la chauve-souris tatane l'homme aux plus célèbres accroche-cœurs au monde, à part Brigitte Bardot. Oui, je sais. Et oui, contre toute attente, Sophie Marceau va avoir l'agrégation de lettres classiques. Ceci étant posé, et maintenant qu'on est tous très soulagés de connaître la réponse à ces deux questions majeures, le cinéma, parfois, c'est autre chose. Parfois, ça fait carrément office d'éducation nationale. Quand, dans une histoire de fou, un des protagonistes, victime collatérale d'un attentat, s'écrit « Je sais même pas où c'est, l'Arménie », on est sans doute un certain nombre dans le même cas, et à la fin du film de Robert Guédiguian, on sait où c'est l'Arménie. On connaît même une partie de son histoire contemporaine, la partie tragique, insensée, 1,2 million d'Arméniens massacrés par le gouvernement turc en 1915, et comment les survivants vécurent ensuite, comment vivre quand on ne reconnaît pas le génocide qu'on a vécu, quand on ne rend ni les terres, ni les morts. Petite, ma mère nous envoyait à Saint-Etienne, au cinéma du quartier, voir La guerre des boutons d'Yves Robert, 1961, pour répondre à nos questions d'enfants à la psyché agitée par les années de plomb, fin des années 70, début des années 80. La guerre des boutons, qui était en résidence à l'année dans ce cinéma de quartier, en alternance avec Peau d'âne, le film de Jacques Demy, qui nous expliquait poétiquement qu'on n'épouse jamais ses parents. On dit que traditionnellement, des questions de culture et de législature décidèrent en leur temps qu'on ne mariait pas les filles avec leur papa. Ce qui n'est pas une mince affaire non plus. La guerre des boutons forgea nos premières convictions politiques. On serait tous solidaires, comme dans la République, des enfants. Typiquement, la scène des chiottes. Qu'est-ce que c'est la scène des chiottes dans la guerre des boutons ? Ils décident de lever un impôt pour pouvoir s'acheter des boutons. Et donc, le braque, le chef, dit « Les pauvres, ceux qui ne peuvent pas payer l'impôt, mettez-vous aux chiottes, les autres dans la cour. » Et il dit « L'égalité, c'est quand tout le monde paye pareil. » Et là, il y a une petite voix qui dit « Et les pauvres, alors ? Tu fais honte aux pauvres, le braque. Et ça, c'est pas républicain. » Guédiguian prolonge le travail de défrichage d'Yves Robert. Il nous raconte, et je cite, « l'histoire des pauvres gens, les déportés, les massacrés, par des puissants qui s'étonnent, qui s'indignent lorsqu'une ou deux générations plus tard, ça leur saute à la gueule. Parce que oui, autre citation du film, le génocide a fait de nous des fous, nous ne vivons que par lui. À ce titre, la belle idée que ce serait d'inscrire ce film au programme dans les collèges, d'en observer l'effet sur les jeunes psychés d'aujourd'hui, bousculés par d'autres années de plomb. Mais voilà, je ne suis pas ministre. Contrairement à Sophie Marceau, je n'ai pas l'agrégation de lettres classiques. Je ne peux qu'essayer de vous inciter, vous auditeurs, à regarder ce film en DVD avec votre descendance jusqu'au bout, jusqu'aux dernières images du film, un splendide mais désolé paysage arménien où s'inscrit la dédicace finale, un genre de pied de nez à mes frères turcs, à nos combats ensemble, histoire de faire mentir la dernière réplique de la guerre des boutons quand le braque et son rival, enfin réconciliés au fond de leur misérable pension, s'exclament en parlant des adultes et dire que quand on sera grand, on sera aussi bête qu'eux. Je vous pose la question, Robert Guédiguian, est-ce qu'on sera aussi bête qu'eux ? Bah, en tout cas, il faut essayer de ne pas l'être, mais je suis inquiet. Vous n'y croyez pas ? Ça dépend si c'est le matin ou le soir. Je n'ai pas la même position le matin, et le soir en me couchant, voilà, je veux dire, bon, le soir en me couchant, j'ai à nouveau un petit peu d'espoir, puis le matin en me levant, j'ai un peu de mal, oui. Ah oui, si oui, vous oui, faites ça de mon sens là. Oui, oui, moi c'est dans l'autre sens. Moi c'est l'autre sens aussi. Ah oui. Non, moi je me réencourage au fil de la journée en fait, ah malgré oui, tout ce qu'on vient de dire là. C'est absolument désastreux. Non, non, non, non, on est là pour se donner du courage, Robert Guédiguian. Non, non, non. Ceci dit, c'est peut-être le soir aussi, c'est l'apéro. Ouais. Ah voilà, ah, voilà. Je triche un peu. C'est-à-dire on était fait pour s'entendre. À partir de 18h, je bois un premier verre, après ça va mieux quand même. Je savais, on était fait pour s'entendre, Robert Guédiguian. Et si la solution c'était l'alcool finalement? Mais ça, je le dis depuis combien de temps, je le dis. On fait des bisous au CSA. De toute façon, il sert à rien, oui, de toute vrai, façon. Non. Donc, c'est pas grave, on l'embrasse quand même. Donc, le film de Robert Guédiguian, Une histoire de fou, sort demain en DVD avec Simon Abkarian, Ariane Ascaride, Grégoire le Prince Ringuet et Cyrus Chahidi, qui joue aussi donc le jeune homme, le jeune terroriste au cœur tendre. C'est oui, Ariane Ascaride, on vous l'impose à chaque coup. Oui, c'est vrai. Ça doit être lourd, là, c'est vrai. C'est les gosses, en fait. Et d'ailleurs, tiens, je signale que le film commence d'ailleurs, et qui est très pédagogique, par le procès, moi j'ignorais, de Tel Irian, ah oui, qui a assassiné Talat Pacha, qui est l'un des responsables du génocide arménien. Et Tel Irian est acquitté en 1921 par un tribunal allemand. Oui. Et c'est un fait assez méconnu, avec dans ce tribunal un stagiaire qui ne serait qui est Raphaël Lemkin, qui est celui qui a théorisé le génocide. Qui a théorisé le génocide. Exactement. Et qui l'a effectivement. À ce moment-là, on commençait à parler de crimes contre l'humanité. La notion apparaît en 18, à la fin de la Première Guerre mondiale, mais le terme génocide n'existait pas. Non. Voilà. Mais ça, justement, pour l'idée de est-ce qu'on sera aussi bête quand on plus tard. C'est quand même fou, ce procès, il a lieu en Allemagne. Enfin, l'Allemagne qui, moins de 20 ans plus tard, va commettre un des plus grands génocides de l'histoire, si ce n'est le plus grand. Oui, alors, c'est pour ça qu'il y a de quoi être pessimiste. Mais voilà, c'est bien pour cela que... Bien. Voilà, mais non, écoutez, on a un troisième sujet. Qui va casser la baraque. Rigolaro déprimant. Le penchant pour la démolition, figurez-vous, a trouvé un marché. Sous prétexte d'anti-stress, il existe des endroits où on peut tout péter. Donc voilà, la démolition est devenue un loisir. Ça va ou sinon? Faut se méfier. Ils vous foutent des tuyauteries n'importe où. Mais pourquoi tu casses tout? Il a dégivré complètement là. Il a toujours été comme ça. Il y a un gène de niqué au départ chez ce type. Faut que tu t'aères, t'es tout gris, tout gaufré. C'est non, messieurs. Les Grands Ducs, le film de Patrice Lecomte. C'est un article à lire dans Slate. Voilà, aux États-Unis, la pulsion destructrice a été transformée en business depuis une dizaine d'années. Et c'est donc arrivé en France. Il existe des lieux ou des entreprises qui proposent des team building. Il paraît que ça fédère de tout péter comme ça et de lâcher sa violence et son stress en pétant des vases, des assiettes, etc. Robert Guédiguian, je suis sûr que ça vous branche, vous venez qu'on vous donne l'adresse, j'imagine. Oui, non, mais c'est pour ça que les jeunes gens doivent casser des banques en ce moment, par exemple. C'est aussi pour se soigner du stress. Non, non, mais ça me semble effectivement, c'est effarant. Hein. On peut faire du sport. J'aime aussi bien un peu casser des trucs. Oui, moi aussi. Même, vous faites ça, Mélanie Bouet? Ah, j'ai cassé une voiture avec une batte de baseball une fois. Bah, pour une séance photo, j'ai bien aimé. Elle nous casse les couilles régulièrement. C'est vrai qu'elle aime bien casser. Alors, sachez qu'il y a un film du réalisateur québécois Jean-Marc Vallée qui s'appelle Démolition, qui a pour objet, c'est l'histoire d'un jeune veuf qui, pour passer ses nerfs dans son deuil, s'emploie à désosser son électroménager. Et je signale aussi que ce week-end, François Fillon, vous voyez le lien ? Encore lui. Je bosse la transition. François Fillon a déclaré en plein meeting ce week-end, je vais casser la baraque pour tout reconstruire. Ben on y est. Je pense que dire qu'on y est, il y a un phénomène de société, là, Robert Guédiguian. Non, puis on y croit beaucoup quand Fillon dit ça. C'est-à-dire, on est immédiatement sûr du coup, là, tu vois, je vais casser la baraque. On la voit casser la baraque. On la voit, l'imagine déjà détruite. C'est quand même bon. Mais justement, le cinéma, il doit aider à donner cette distance quand on est un peu mature et quand on regarde les films de cinéma, c'est aussi pour prendre cette distance vis-à-vis de la violence et éviter de l'exercer même sur un vase. Oui, mais je crois que c'est pas qu'une question de violence, c'est une question de sport et d'activité physique. Hein. C'est tout ce qu'il faut faire un peu de marche à pied. Moi, je marche un petit peu. Je saute une station de métro tous les jours. Ah bon? Et ça me suffit, en fait. C'est le conseil santé. La coolitude de Robert Guédiguian, un peu le côté cool à l'estac, oui. Quoi. à Marseille. Nos auditeurs marseillais qu'on salue, tiens. Bah, il est évidemment. 17h55 à Marseille et à Paris. Et c'est le moment du sketch. Et vous allez faire jouer Robert Guédiguian. Robert Guédiguian propose toujours un sketch à l'invité. Il ne connaît pas le texte, il lui tombe dans les mains et il arrive chez vous. C'est facile pour vous parce que vous allez être Robert Guédiguian lui-même qui a la visite facile. D'un candidat à la présidentielle et de sa chef de campagne qui vont lui proposer quelque chose. On est parti. Monsieur Guédiguian, merci d'être venu. Bonjour, vous êtes Jacques Cheminade. Moi, c'est Christine Vanier, bonjour. Enchanté, vous faites quoi? Moi, je suis chef de campagne. Non, pas vous. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Ah, moi, je suis politicien. En fait, j'ai été candidat à la présidentielle, voilà. Ah, de quel pays? De la France, en 2012, en 1995 aussi. Et vous avez fait beaucoup de voix? Alors, ça dépend. Est-ce que 5% c'est beaucoup? Oui. Alors non, il a fait 0,25%. Oui, alors c'est pour ça que j'avais besoin de vous. Voilà, j'aimerais faire un clip de campagne qui fasse péter les scores. Ouais, moi, les trucs grand public, c'est pas ma spécialité. Oh, quand même, bienvenue chez les Ch'tis, c'est pas vous? Non, moi, c'est Marius et Jeannette. Ah oui, bienvenue chez les Marseillais, c'est ça. Bon, c'est quoi vos idées, en gros? Alors, moi, je suis pour la conquête de... Attendez, Jacques, pas tout de suite. Il est contre Wall Street. On peut faire un film social. Oui, mais alors, attendez, parce que moi, je suis aussi pour la conquête... Attendez, Jacques, tout de suite. Il est contre le diktat de la finance, voilà. On met une couche d'historique... prolétarienne. Oui, d'accord, mais alors, oui, mais moi je suis pour la conquête de Mars, voilà, et la création d'une société intergalactique basée sur l'identité héliosystémique. Ouais, je comprends. Voilà, Jacques, ça voilà. Il n'était pas prêt là. Disons comment la science-fiction, c'est pas ma spécialité. Appelez Besson. Non, on n'a pas le, budget de campagne là, c'est pas possible. Mais c'est quoi votre ligne politique? Ah bah je dirais moitié Mélenchon et puis moitié Jean-Claude Van Damme. J'ai toujours rêvé de le faire tourner. Mélenchon? Non, Van Damme. Voilà, en fait, on pense que vous seriez parfait pour illustrer cette conquête d'un environnement hostile à l'être humain. Oui. Pourquoi ça? Bah vous tournez souvent à Marseille. Le groupe IAM lui-même, il comparait la ville phocéenne à la planète Mars. Ah super, vous écoutez IAM à mon âge? Non mais, je lui ai dit de faire semblant parce que comme ça c'est Juppé qui reste le vieux de la campagne. Vous savez quoi? Pour votre campagne en 22, je le ferai le clip. Attention, c'est en boîte maintenant, tout le monde le sait maintenant. C'est dur ça. Ah bah, tout le mais monde Robert, le sait. Vous avez été bon. Mais vous serez peut-être... très mauvais. On a foutu en l'air des carrières avec vous ça. C'est vrai que j'ai pas débuté là comme acteur. Vous serez plus compréhensif envers vos comédiens la prochaine fois. Vos acteurs la prochaine fois. Vous voulez casser un truc ou... Robert Guédiguian, merci beaucoup d'avoir passé cette heure avec nous. On a parlé des choses du monde qui évoluent. Et tiens, une chose d'histoire, c'est une histoire de fou. C'est le film qui sort demain en DVD avec Simon Abkarian, Ariane Ascaride, avec Grégoire Le Prince Ringuet et Cyrus Saïdi. Shaidi, on dit. Shaidi. Donc voilà, trois générations qui racontent le génocide arménien. Et donc un film aussi très pédagogique. C'est vrai que dans les écoles, pourquoi pas, c'est une très bonne idée. Merci à tous autour de cette table. On va donner le mot de la fin aux milliardaires qui sont obligés de se cacher au paradis, alors qu'avant il était si simple de planquer ses sous. Nous allons donc confier notre petit trésor aux seuls gens qui n'égarent jamais rien. Aux employés de cette administration que le monde entier nous envie. J'ai nommé les PTT. J'avais jamais pensé à ça. Faire confiance aux honnêtes gens est le seul vrai risque des professions aventureuses.